Judy, je suis paumée. Je comprends plus rien au mec. Mais il n'y a rien à comprendre. Moi, les hommes, je les connais. Si tu savais tout ce que je sais sur les hommes, tu comprendrais pourquoi je suis aussi sûre de moi. Plus ça se bat, plus ça se croit des hommes. Plus ils sont faibles et plus c'est fort qu'ils cognent. Et plus tu es femme et plus tu vois qu'ils t'aiment. Et plus tu t'aperçois qu'ils t'appartiennent. Moi, les hommes m'en ont fait voir, mais je leur dois de belles histoires. Mais les hommes, j'en ai besoin. Et quand ils m'aiment, je le leur rends bien. Car ils ne sont jamais que des enfants qui font du mal sans trop savoir comment, mais qui savent te redonner le moral. Quand t'es sur le point de te faire la malle, moi, mon homme, j'en crèverais. Et je peux faire tout ce qui lui plaît. Sans regret, je lui pardonne, pourvu qu'il soit ce que j'appelle un homme.